La jalousie et la haine ont envahi le monde. Seigneur, aie pitié de nous. Sinon, tes enfants seront perdus. Que ferai-je? Namadango bonde la milondo et si bébé ne lambo jombo ya moto. Namadango bonde la milondo et si bébé ne lambo jombo ya moto. Yeah. ya son de mon odi ya la di mon se dosi ba mo ine mo mo dosa nosa nosa no pingo nosa eh rosmuna tu es où ma fille.